Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Préparez-toi, mon pote. C'est la courte échelle qui arrive dans votre radio. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce programme qui vous présente les nouveautés de la scène indépendante internationale et dans tous les styles. Alors j'espère que vous allez bien, c'est Jeff avec vous et nous allons démarrer cette courte échelle du jour avec une artiste qui s'appelle Lina David. Elle est comédienne, elle fait du théâtre, du cinéma et elle est également voix off, elle est également parolière et chanteuse. La voici avec une moitié quelque part. Les battements de la vie, de nos cœurs, trouver les accords des amants. L'amour n'a jamais d'âge, l'amour n'est jamais vide, quelles que soient nos différences, peu importe les circonstances. La musique des Antilles dans la courte échelle, c'est tout de suite avec GCO et Crise à 40 ans. La courte échelle. Tout ça paraît ici, au carré. chan Choti la kate ou Sousona, jeme Sousona, kouraj Sousona, en force Sousona, se konsa Krisa karotan Cha fè ou reflechi Tout sa ou pare kisi Ou kare rete Chante, chante Sousona Vole, vole Sousona Plane, plane Sousona Chembe, chembe Fila red Chante, chante Sousona Vole, vole Sousona Plane, plane Sousona Chembe, chembe Fonponche, fonponche Yo pon yo chembe ou Yo kay pon an me Fia ou kay chanje Yo kay pa ou manje Ou talman kontan Se sa ou te biswe Ou ka plere Ou ka chante Chante, chante Chante, chante, chante Sousona Vole, vole Sousona Plane, plane Sousona Chante, chante Sousona Vole, vole Sousona Plane, plane Sousona Chembe, chembe Crise à 40 ans J'avais réfléchi Tout ça paraît ici Au carré regretté Chante, chante Sousona Vole, vole Sousona Plane, plane Sousona Chembe, chembe Panicato Chante, chante Sousona Vole, vole Sousona Plane, plane Sousona Chembe, chembe Jameson est né en Côte d'Ivoire. Son père était musicien. Jam a grandi au milieu des rythmes africains. Puis il a découvert la vague reggae. Il s'est senti attiré par cette nouvelle tendance musicale pour lui. Arrivé en France pour poursuivre ses études, il s'est orienté de plus en plus vers la musique. La voici avec Positive Reggae, Jameson. La courte échelle. Le rendez-vous des artistes indépendants. Je n'ai pas grandi dans les palaces. Je n'ai pas eu cette chance. Pour me sortir de l'impasse, j'ai dû croire en ta présence. Elle a guidé tous mes pas et réchauffé mes pensées. Le soir quand j'avais froid, elle se mettait à chanter. Positive reggae. C'est ma musique Positive reggae C'est mon style Positive reggae It's my music Positive, positive reggae Viens bouger Comme un capitaine à son navire J'ai attendu de voir ton visage Pour m'amarrer à ton sourire Il est, paraît-il, si docile Qu'il déplacerait des montagnes Réveillant tous les fleuves tranquilles S'il veut, je l'accompagne avec Positive reggae C'est ma musique Positive reggae C'est mon style Positive reggae It's my music Positive, positive reggae Viens bouger Viens bouger Xéla est une chanteuse originaire de Lyon. Elle a ses racines à la Martinique. Elle fait ses premiers pas dans la musique dès l'âge de 15 ans. Elle est auteure, compositeur et interprète. Elle décide en 2012 d'entamer une carrière solo. Petit à petit, elle s'entoure de professionnels afin de développer au mieux sa carrière en indépendant. La voici avec Picasso, Xéla. La courte échelle. Des êtres, tel un Picasso, je peindrai tes verbes. Tendrement, toi, je soigne mes détresses. J'aime tes lèvres quand elles me font. J'aime ta peau et tes caresses fou. J'aime ton phrase et tes paroles un tour. Approche-toi, baby, je te promets de te plaire. Courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Voici Morjane Ténéré. Vous l'avez déjà entendu dans la courte échelle. Warrior est un de ses derniers titres. Thank you. La courte échelle. Autre nouveauté dans la courte échelle, voici Black Suitcase avec la Marelle. Si vous souhaitez découvrir la place Gemma Elfna, il vous suffit de suivre Thomas Simon Sadier. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Saluer bien bas, non, Style assez différent, voici Nash Albert and the Engine avec Out on the Rain dans la courte échelle du jour. Je n'oublierai pas, je n'oublierai pas. La courte échelle. Keeps me awake. They're so crisp. instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Ramène-moi, voici Hiver. Juste après, vous retrouverez celui qui, depuis trois saisons, nous a proposé les génériques et les liners de cette émission, Nicolas Pérez, avec un nouveau titre, Évasion. Je peux être fumé, me suis enfumé, alcoolisé mes veines. Au parfum de crème se lève le soleil, a embrûlé mes ailes, c'est ton noir sommeil. Que des larmes déchirées, j'ai peut-être même craché sur ces murs sales, dégueulant l'injustice d'un monde factice. Sans dû monter encore la haine envenime du poison et leur peine. Coupure de l'échine, ramène-moi, ramène-moi les pieds sur terre. Emmène-moi, emmène-moi loin du fracas. J'ai peut-être caressé des putains de quartier. On monte la sève pour une poignée de blé. J'ai peut-être blessé amour éphémère d'une histoire d'un été. Douce chaleur d'hiver, j'ai peut-être même senti mes mains glisser sur des hanches parfaites. Une nature a bien faite où l'ombre de l'adultère. Oh ma pauvre mère, s'est vilée, s'est plombée. Une acteur l'a soifée. Ramène-moi, ramène-moi les pieds sur terre. Emmène-moi, emmène-moi loin du fracas. Ramène-moi, ramène-moi les pieds sur terre. Le présent qui m'emmerde, tout sommeil m'apaise. Je m'endors, je m'envole, à sentir effleurer prise glaciale sous mes pieds. J'ai aussi caressé la détente ferraillée de mon âme qui enlève, de mon âme qui achève. D'un seul coup disparaît, je m'en vais, je m'en vais. Le sommeil me pèse, je m'épends, me repens. Ramène-moi, ramène-moi les pieds sur terre. Emmène-moi, emmène-moi loin du fracas. Ramène-moi, ramène-moi les pieds sur terre. Emmène-moi, emmène-moi une dernière fois. Ramène-moi, emmène-moi, ramène-moi, emmène-moi, ramène-moi. Vous écoutez La Courte Échelle chaque semaine, des talents à découvrir. Thank you. C'était Nicolas Pérez, celui qui nous accompagne depuis 3 saisons avec le générique et le liner de cette émission. Et la preuve que la courte échelle, c'est dans tous les styles musicaux. Voici Damien Michel avec New Bayon Créole. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Et si ça vous a donné envie de danser et de chanter, on va au cabaret avec Francine Cazanob. Le rendez-vous des artistes indépendants. Non, je ne vendrai pas mon âme au diable pour faire plaisir aux papillons noirs. Couleur de nuit, sombre miroir, bonimenteur, marchand de sable. Non, je n'irai pas en Amérique au cabaret des années folles. Je ne suis pas assez cynique, je ne suis pas une fille comme ça. Si un gentleman tombe à pic m'offrant champagne et caviar, moi la gentille femme romantique, je ne tomberai pas dans ses déboires. Non, je ne vendrai pas mon âme au diable pour une bouteille à 100 $, à ce dandy au chapeau noir, couleur de nuit, sombre miroir. Je n'irai pas en Amérique au cabaret des années folles. Je ne suis pas assez cynique, je ne suis pas une fille comme ça. Si j'avançais d'un pas vers lui pour dans ses bras passer la nuit, moi la poupée vêtue de strass, je tomberai sous sa menace. Non, je ne vendrai pas mon âme au diable pour une bouteille à 100 $, à ce dandy au chapeau noir, couleur de nuit, sombre miroir. Je n'irai pas en Amérique au cabaret des années folles. Je ne suis pas assez cynique, je ne suis pas une fille comme ça. Je ne suis pas une fille comme ça. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Une nouveauté encore dans la courte échelle du jour, Barton Hartshorne, vous l'avez déjà entendu dans cette émission avec Still Life. This is all still alive. La courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! My mother said you must be clean. Wash your body and your mind too. Je vous présente Bruno Bauer. Il a composé son premier morceau en 1982. Il n'a jamais arrêté depuis. Il écrit soit en français, soit en anglais. Il apporte une attention toute particulière à l'aspect mélodique de ses chansons. Voici Under the Searchlight. If you should take it, I'll do it right now. And if you insist, I'll do it right now. Oversleep, le groupe, le duo devrais-je dire bordelais, a été créé en 2018. Il distille un univers électropop mêlé à des influences trip-hop. Voici Fast Away. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Fast away, fast away, we are nothing. Cédric Arnaud, pour sa part, a décidé de vivre dehors. Et pourquoi pas s'il en a envie. Cédric Arnaud, bien sûr, est un habitué de la courte échelle. Le rendez-vous des artistes indépendants. Faudra-t-il au matin, au petit jour m'enfuir, les paupières lourdes de mes souvenirs, traîner mon ombre hors du bocal. Le soleil ouvrira ses pétales au-delà des voiles, des murs invisibles, de ce va-et-vient entre le jour et la nuit. Il n'y a que le vent qui se promène ainsi. Dehors serait-ce le vide dans le silence d'or, le silence d'or. Silence d'eau. Le programme est encore chargé aujourd'hui et c'est avec la chanteuse jazzy Jela Zilka et Spain in Call Recall que va se terminer cette émission. Je vis dehors. La courte échelle. Every time. Et on a encore eu pour tous les goûts cette semaine. Enfin, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Si vous voulez en entendre davantage, eh bien rendez-vous la semaine prochaine dans la nouvelle édition de La Courte Échelle. Pour en savoir davantage encore, eh bien rendez-vous sur www.lesemissionsdejeff.com. C'est le site consacré à La Courte Échelle. Il y a les playlists et les podcasts. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Surtout, gardez votre sourire, il vous va si bien et soyez heureux. Chaque semaine, découvrez dans La Courte Échelle le meilleur de la scène indépendante.